Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et bien, c'est maintenant le moment d'atteindre. On atteint Sophie Laforêt. En direct de Tokyo, toujours. En direct toujours. De Tokyo, oui, qui vient nous parler d'un nouveau groupe japonais ce matin. Ça s'appelle Tricot Machine. Tricot Machine. Live in Japan. Ah, oui. Non, en fait, c'est ça, Tricot Machine. Mais oui, on en a parlé beaucoup. Vous avez probablement lu des critiques, peut-être, ou peu importe. Fait que j'avais envie ce matin d'ajouter ma couleur à tout ça. Oui. Et je pense que même avant d'en parler, on va l'entendre une première pièce. Bien parce sûr. Que... pour vous donner une idée, en fait, c'est que moi, je pense que Tricot Machine, sur cet album-là, propose des pièces qui ressemblent à leur premier album, mais sur certaines pièces, ils poussent vraiment plus loin les limites avec beaucoup plus d'arrangements et tout ça. On va entendre une pièce qui me fait penser un peu plus à leur premier album, c'est la pièce « Un bout ensemble ». Donc, vous allez reconnaître le côté enfantin dès le départ de la pièce. Très bien, donc on s'en va entendre ça. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. On écoute ça tout ensemble. Oh, oh, des jeux de mots à... L'Académie de jeux de mots Mathieu Plante, l'Académie de l'humour Mathieu Plante. On la recommande à tout le monde. Donc voici Tricot Machine avec un bout ensemble sur les ondes de C'est fou 89 FM. Si tu penses à peu près comme je pense, on peut faire un bout ensemble. Si je danse à peu près comme tu danses, on peut faire un bout ensemble. Se transforme en amour de temps en temps. On raconte même que c'est comme ce qu'on fait des enfants. Oh, oh, oh, oh. Si je chante moins bien que tu chantes, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Et donc, c'était... Sophie, je te laisse l'annoncer. Tiens. C'était un bout ensemble de Tricot Machine tiré de leur deuxième album La Prochaine Étape, qui est paru il y a deux semaines, le 23 mars 2010. Du beau bricolage qu'on peut faire avec. Donc, en plus, on a un album, mais on a aussi, genre, des activités à faire avec. C'est super plaisant. Comme ça, tu peux écouter l'album puis passer un après-midi à faire les bricolages. Donc, quand on sait pas quoi faire un dimanche pluvieux, on va acheter l'album de Tricot Machine. Ben oui. Et donc, sur l'étiquette Grosse Boîte, qui est une étiquette, ma foi, en pleine expansion. Hein? Et avec des artistes assez intéressants assez là-dessus. Assez intéressants. On peut vous en nommer quelques-uns. La Patère Rose, Jean Leloup, Tricot Machine, bien sûr, et le Husky. Et en passant, le Husky, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui aiment, il va sortir un album le 20 avril prochain. On a bien hâte de recevoir le disque à C'est fou pour... Maxime Lemieux-Laramé en parlait justement hier dans le cadre de sa chronique « Télécharge quoi? » Oui. À l'assemblage requis. Ah, mais je sais pas si c'est un fan du Husky, mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte. Puis le Husky, il me semble qu'il a tendance à venir faire des petits tours à Trois-Rivières. Il est déjà venu au Charlot, donc probablement qu'il va revenir pour ce deuxième album-là, mais... Tout ça pour dire qu'on parle de Tricot Machine aujourd'hui. Oui. Et le deuxième album qui est toujours réalisé par David Brunet, qui est un réalisateur de grand talent, Il a fait d'ailleurs paraître de son côté deux albums instrumentaux, Antonio 1 et Antonio 2, qui est paru il n'y a pas si longtemps. Donc, pour ceux qui aiment la musique instrumentale avec de beaux arrangements. Mais pour ce qui est de Tricot Machine, c'est un duo et ou un couple musical qui est composé de Catherine Leduc et de Mathieu Beaumont. Sur cet album-là, on nous présente 14 chansons et cette fois-ci, les textes sont écrits en partie par Catherine Leduc, donc la portion féminine du duo, et Daniel Beaumont aussi, qui est le frère de Mathieu Beaumont, qui lui, sur cet album-là, assure la musique en entier. Donc, Mathieu... C'est lui qui a tout composé et qui joue la musique? Ou, il joue pas seul, mais c'est lui qui a composé les mélodies de chacune des pièces. Ah, c'est bien. À l'occasion avec Catherine et parfois avec Marc-Antoine Goulet, qui est un des musiciens qui participe à cet album-là. D'accord. Et moi, j'ai une question à te poser. Oui. On va se parler dans le blanc des yeux ce matin, Simon. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Tricot Machine? Tu veux vraiment que je le dise? Ben oui. Ben, je suis prête à tout. Je trouve qu'ils ont un bon fond musical. Les mélodies sont intéressantes, là, surtout du dernier album, de ce que j'entends. C'est l'image qu'ils ont qui me... Pas que j'aime pas ça. Au contraire, je trouve ça très bon. Mais c'est pas quelque chose qui cadre à moi particulièrement. Mmh. Je suis pas dans leur public cible. Par contre, j'aime bien comment ils écrivent, j'aime bien leur musique. Probablement qu'à écouter l'album, je l'achèterais peut-être même, mais c'est l'idée des bricolages, de tout est beau, tout est fin, ils mouillent, donc les petits ours, les affaires, même ça... Non, mais je te posais la question parce que je me rends compte que souvent, c'est ça, finalement, qui leur nuit, d'une certaine façon, pour ceux qui accrochent pas. Ouais. Pour ceux qui accrochent pas, c'est ça qui leur nuit, je pense. C'est vraiment l'image, puis peut-être tout... surtout au premier album, quand on les a découverts, ben, tu sais, oui, il y avait beaucoup l'ambiance enfantin, l'ours. Bon, c'est qui drôle. Qui n'a pas entendu l'ours? Parce que, la vidéo de ça, je trouvais que c'était très beau. Ça ressemblait à des vidéos de Off Montreal, mettons, qui est un groupe qu'on aime bien, qui est indie pop. Je trouvais que ça ressemblait à ça, mais c'était, j'accrochais pas. Lorsque j'ai écouté l'album au complet, j'ai pas accroché sur les thèmes aussi, qui étaient un peu la génération passe-partout en recherche de soi et tout ça. Je comprends, je fais partie un peu de la génération passe-partout. Là. J'étais dans la fin de la comète, si on veut. Là. Mais je sais pas, c'est bricolage. On est tous des amis, on fait des dessins. Ça, je trouve ça moins attirant. OK. Non, mais c'est ça. Bref, je posais la question parce que ça me fait sourire. Parce que justement, moi, je fais peut-être partie de celles qui ont quand même adopté ça. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai des amis, entre autres, qui ont des côtés enfants plus forts que moi. Je suis quand même quelqu'un de rationnel dans la vie, qui est pas très gambade, exemple, dans les corridors. Puis ces gens-là aiment pas nécessairement Tricot Machine. Puis mettons, moi, je suis comme plus rationnelle. Puis moi, j'ai adopté ce projet-là totalement. C'est un peu une façon de nous défouler, dans le fond. Ouais, comme peut-être. Moi, ce que j'aime, mettons, de la nouvelle partie de Off Montreal, les nouveaux concerts, c'est que Kevin Barnes, le chanteur, soit déguisé en femme trois quarts du show. Je trouve ça génial. C'est quand même drôle que tu dises ça. Ouais, ce que j'aime, moi, c'est qu'il soit déguisé en femme. Ben non, mais j'aime surtout leur côté musical. Là, mais tu sais, je trouve ça très, très cool que maintenant, la nouvelle gimmick, ça soit justement le personnage androgyne un peu à la Bowie. Ça, je capote David Bowie. Son androgynité, c'était ça qui m'attirait aussi vers lui, à part la musique, mettons. Ouais. Je sais pas, c'est un peu une façon de se lancer, de se lâcher loose dans le fond de notre rationalité. Musique va plus loin que juste la musique. Il y a justement tout l'emballage qui est autour de ça. Puis, effectivement. Dans le cas de Tricot Machine, des fois ça leur nuit, puis des fois ça leur va bien. Donc, dépendamment des gens qui les écoutent. Je vous dirais, contrairement au premier album, il y a moins de coups de cœur sur cet album-là. Okay. Je donne un exemple. Sur le premier album, moi, j'avais vraiment adoré la pièce « Les peaux de lièvre » que je trouve magnifiquement écrite. Mm-hmm. « Pas fait en chocolat » aussi, qui était quand même un hit, là, on s'entend, dans le sens que c'était agréable à l'écoute. Oui, t'es quand même bonne. Sur cet album-là, il y a moins de coups de cœur, mais l'album est plus homogène. Ça veut dire que je le mets dans mon lecteur CD, puis je l'écoute au complet, sans passer de pièces, sans... tu sais, comme il s'écoute mieux en entier. Okay. Il y a moins de sélection de pièces. Ah, c'est bien ça. C'est ça qui fait un bon album, habituellement. Ouais, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas été convaincus par le premier album de Tricot Machine, je vous invite à vous pencher sur le deuxième. On le sait pas, peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et pour vous montrer justement une deuxième pièce de Tricot Machine qui est peut-être un peu moins enfantine. Oui. Parce que ce qualificatif-là va leur coller à la peau, je pense, tout le temps, même si j'aime pas nécessairement l'utiliser. On va l'entendre. Écoute, c'est sûr que quand tu vends ton album avec des cours pour faire des bricolages, c'est une image que tu te crées, mais s'ils sont à l'aise avec ça, ça leur dérange pas, tant mieux. Oui, j'avais lu dans un article, je pense, dans Le Voir, Mathieu qui disait « Je n'ai pas besoin d'avoir des tatous pour me sentir homme ». Ben non, mais c'est ça. Ben, tant mieux s'ils sont... puis je suis d'accord avec eux, c'est leur image. Tant mieux. C'est assumé. Bref, je pense que quand c'est assumé, c'est toujours plus plaisant. Tu sais, moi, je me dis, ça assume, parfait. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. En tout cas, ça pour dire qu'on va aller écouter la pièce « Dans la mire » tirée du deuxième album de Tricot Machine, la prochaine étape que vous pouvez procurer en magasin dès maintenant, si vous aimez. Très bien. Donc, oui, la pièce « Dans la mire » qui est la cinquième sur l'album. On s'en va écouter ça. Donc, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, dans le cadre de Stérotonine avec Sophie Laforêt. Sophie, tu restes pour la conclusion de l'émission? Bien sûr. Très bien. Donc, voici Tricot Machine. On revient pour la conclusion dans quelques instants. Je ne suis pas moins pire, je suis moi aussi dans la mire. Je ne suis pas moins pire, je suis moi aussi dans la mire. Je ne suis pas moins pire, je suis moi aussi dans la mire. À portée de tir. Donc, Sophie, c'était? Oh, ton micro n'était pas allumé, excuse. Dans la mire de Tricot Machine, de leur album La Prochaine Étape. Donc, une pièce plus mélancolique cette fois-ci au piano, comme il y en avait aussi sur leur premier album. Donc, oui. Voilà. Donc, petit rappel, petit suivi, en fait, dans le style musical. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, d'être venue ce matin nous parler de Tricot Machine. Ça fait plaisir. De retour la semaine prochaine, deux matins semaine, on sait pas quand. Oui, parfait. Donc, je vais attendre de tes nouvelles là-dessus. Et, ça, il te reste quatre chroniques, dans le fond, si tu fais deux fois semaine encore, malheureusement. Faut pas trop que tu penses. Ah, c'est triste. Ah oui, c'est vrai. Puis, en plus, tu termines également chez Mécoutu. Ah là là. C'est triste. Ben, tu viendras faire des tours là, l'année prochaine. Puis, de toute façon, tu vas devenir une grosse star. Le matin, je vais passer à 7h comme ça, à l'improviste. Parfait. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.